résistant d'otage. Les troupes mon djihad. Parle-moi, parle-moi du destin de notre monde. Je te parlerai des armes et de l'industrie des bombes. Parle-moi, parle-moi de l'Occident bien habillé. Je te parlerai politique ou bien planche habillée. Je te parlerai de l'Afrique à moitié colonisée. Je te parlerai d'un public à l'opinion terrorisée. Parle-moi si tu le veux dans la langue de Molière. Je te parlerai le langage de l'Arabian Panther. Parle-moi de Ben Laden ou Osama. Je te parlerai de Bush ou de Air Condoleezza. Parle-moi de pétrole qu'on estime. Je te parlerai du dollar qui n'est pas comestible. Parle-moi de mon pays d'origine. Je te parlerai de l'Afrique qu'ils ont mise au régime. Parle-moi de la banlieue et de son intégration. Je te parlerai du ghetto et de sa discrimination. Sardou, parle-moi du temps béni des colonies. Je te parlerai de Tiaroy, de la torture en Algérie. Parle-moi de ma barbe, de Zakarias Moussaoui. Mais ne dis pas pour faire peur que je ne serre pas la main des filles. Un double discours, un double dialogue, un double langage. Prends garde au double personnage. Médine, celui qu'on juge avant le jugement. Qu'on gruge à épuisement, accuse pour un gisement. La double culture mérite la double peine. Cette fois-ci c'est certain, voici la doublure de Le Pen. Médine, dangereux MC pénalisé. Un rappeur musulman sans double personnalité. Parle-moi du bordel dans les quartiers populaires. Je te parlerai du ministre à la campagne spectaculaire. Parle-moi du respect de la police. Je te parlerai de Bouna, de Ziyad et de Robert Davis. Parle-moi du curriculum anonyme. Je te parlerai du racisme dans les boîtes d'intérim. Parle-moi du citoyen qu'on opprime. Je te parlerai de mes sœurs et de mes frères musulmans. Parle-moi face à face, ne parle pas au téléphone. Sinon je te parlerai des RG qui nous espionnent. Parle-moi de mes albums et de leurs provocations. Je te parlerai de violence et stratégie de promotion. Je te parlerai de vengeance envers la médiatisation. Je te parlerai de vengeance envers la stigmatisation. Parle-moi à travers le forum du CSA. Je te parlerai de Diyad par la bouche de Youssoupha. Parle-moi d'Al-Qaïda comme si c'était ma famille. Je te parlerai des tiens et de la Saint-Barthélemy. Parle-moi de toi ou bien parle à ton miroir. Je te parlerai de moi et des dossiers de l'histoire. Double discours. Pourquoi tu parles de ma barbe dans le fond de ta moustache? Petit journaliste en stage. Un double discours, un double dialogue, un double langage. Prends garde au double personnage. Médine, celui qu'on juge avant le jugement. Qu'on gruge à épuisement, accuse pour un gisement. La double culture mérite la double peine. Cette fois-ci c'est certain, voici la doublure de Le Pen. Médine, dangereux MC pénalisé. Un rappeur musulman sans double personnalité. Un double discours, un double dialogue, un double langage. Prends garde au double personnage. Médine, celui qu'on juge avant le jugement. Qu'on gruge à épuisement, accuse pour un gisement. La double culture mérite la double peine. Cette fois-ci c'est certain, voici la doublure de Le Pen. Médine, dangereux MC pénalisé. Un rappeur.